Chapitre 23e. Les présentations. Le lendemain, vers les 6 heures du soir, le docteur Cavarox, après sa consultation et ses visites chez ses nombreux clients et à sa maison de santé de Passy, était installé dans le salon de son appartement situé, comme nous le savons, sur le boulevard des Italiens, et lisait un journal. À chaque voiture qui s'arrêtait devant sa maison, il interrompait sa lecture et prêtait l'oreille. Lorsque la pendule placée sur la cheminée sonna 6h30, il se leva, frappa sur un timbre, et un domestique galonné entra aussitôt. « André, vous avez transmis mes ordres à la cuisinière, » lui dit Cavarox. « Oui, monsieur le docteur, le dîner sera prêt pour 7 heures. »« Vous n'avez pas oublié, 16 couverts. »« 16 couverts, oui, monsieur le docteur. Très bien. » Le domestique sortit, et quelques minutes plus tard, il reparut et annonça d'un ton solennel « Monsieur et madame Maxou !» Cavarox jeta sur un guéridon le journal qu'il lisait et courut au-devant de ses vieux amis les mains tendues. « Et quoi ? Oubliez que vous êtes, leur dit-il. Vous avez quitté votre résidence de Beauvoir sans même m'apprendre par un pauvre petit mot votre retour à la place des Vosges. Et si je ne vous avais pas déniché hier au soir à cette représentation de l'opéra, je vous croirais encore, filant le parfait amour, sur les bords enchantés de l'Isère. » Maître Maxou voulut s'excuser. « Nous sommes arrivés à Paris il y a 3 jours seulement, cher ami, » répondit-il, « et tu comprends les affaires. »« Belle justification, ma foi, » répliqua le célèbre praticien. « Elles marchent comme sur des roulettes, vos affaires. Les grands établissements que vous avez ouverts dans les quartiers excentriques de la capitale pour recueillir et élever les enfants abandonnés font floresse. Et les millions provenant de l'héritage de Sir John Colfax, dont vous avez consacré une partie à cette magnifique œuvre philanthropique, finiront par vous faire dresser des statues de votre vivant. » « Notre ambition ne vise pas si haut, cher docteur, » repartit la belle madame Maxou, « répandre le plus possible le bien parmi les classes déshéritées. Tel est le but que mon mari et moi nous poursuivons, et notre plus douce récompense sera de le voir atteint. Mais il l'est déjà, et depuis longtemps, » dit Cavarox. Un coup de sonnette se fit entendre, et bientôt les deux battants de la porte du salon s'ouvrirent. « Monsieur le vicomte et madame la vicomtesse de Kerlusset. » « Monsieur le baron et madame la baronne de Libernay, » annonça André d'une voix sonore. Maître Maxou et Flavia, en entendant prononcer ces noms si bien connus d'eux, quittèrent leur fauteuil et s'avancèrent vivement vers les nouveaux arrivants. Kerlusset et Lavernay échangèrent une cordiale poignée de main avec Maxou pendant que sa femme embrassa avec effusion Ève et Marcel. « Quelle bonne surprise vous nous ménagiez, » dit-elle ensuite à Cavarox. « Je n'avais pas l'honneur de connaître personnellement monsieur le vicomte et monsieur le baron, » répondit-il, après avoir fait un salut des plus courtois à ces derniers, « mais je savais d'avance la joie que vous éprouveriez en voyant vos anciennes et chères élèves, et je les avais informés qu'elles vous trouveraient ici ce soir avec votre mari. » « Et vous êtes venue, » répliqua madame Maxou, toute radieuse, en pressant les mains des deux charmantes sœurs. « Merci, mille fois merci. » « Croyez-vous que nous ayons oublié ce que vous avez fait pour nous, ma bien-aimée Flavia ?» dit Marcel à mi-voix. Vous avez sauvé l'honneur de nos maris, et la fortune que nous possédons aujourd'hui, c'est à vous à qui nous la devons, ajouta Ève, également à mi-voix, et ces choses-là ne sortiront jamais de notre mémoire. Assez, assez, fit leur ancienne institutrice en mettant un doigt sur sa bouche. Votre bonheur ne m'a-t-il pas largement récompensé d'avoir répondu autrefois à votre appel? En ce moment, la porte du salon s'ouvrit de nouveau. Monsieur le duc et madame la duchesse de Valombreuse, annonça André, de la même voix sonore. Octave, en uniforme d'officier de chasseur, et Irène entrèrent. « Mon frère, ma sœur !» s'écriaient Marcel et Ève avec étonnement en s'élançant vers le jeune couple. « Oui, moi et ma femme en personne, » répondit gaiement Octave. « C'est une surprise que le docteur vous ménageait. »« Et une surprise des plus agréables, » fit le vicomte de Kerlusset en tendant la main à Irène et à son mari. « Eh bien, » dit à son tour maître Maxou en désignant les galants de capitaine que le jeune duc portait à son bras et la croix de la Légion d'honneur qui brillait sur sa poitrine. « Vous repentez-vous, mon cher Octave, d'avoir suivi le conseil que je vous ai donné autrefois ?»« 1000 fois non, » répondit Octave, « mais je ne serai complètement satisfait que lorsque je serai. »« Que lorsque tu seras, » interrompit Marcel, « que lorsque je serai colonel. »« Pourquoi pas tout de suite général, fit Ève, ou bien maréchal de France ?» reprit le baron de Lavernay. « Hé hé !» reprit maître Maxou. « Du train dont il va, cela pourra bien lui arriver un de ses jours, dans une 20aine d'années, » ajouta-t-il en riant. « Colonel, je ne sors pas de là pour l'instant, » répliqua Octave. « Plus tard, quand je serai colonel, si jamais je le deviens, nous verrons alors, et si, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. « Tu voudras décrocher la timbale sous la forme d'une grosse double épaulette étoilée, » fit Marcel en l'interrompant de nouveau. Marcel achevait à peine de prononcer ces mots que la porte du salon s'ouvrit pour la quatrième fois. « Monsieur Salabert, Monsieur Martineau, Madame Renaud, » prononça André en s'effaçant pour livrer passage aux trois personnages annoncés. L'ancienne fabricante de fleurs artificielles de la place des Vosges, poussée tout doucement par le galant Salabert, parut la première. Le salon, splendidement éclairé, l'éblouit un instant et elle fit d'abord quelques pas sans bien distinguer les personnages qui s'y trouvaient réunis. Mais lorsque ses yeux se furent faits à l'éclat des lumières, un cri de joie et d'étonnement sortit de ses lèvres. « Madame Maxou, ma chère Irène, » dit-elle en se précipitant vers les deux jeunes femmes. Puis se reprenant et s'adressant à Irène, « Madame la Duchesse, » fit-elle. « Non, Irène, ma bonne Madame Renaud, » répondit la fille de Ben Ismaël. « Irène, comme autrefois, lorsque vous m'avez admise chez vous comme ouvrière, à la recommandation de Maître Maxou. « Cher enfant, » murmura la digne femme, et ce fut tout. L'émotion lui coupait la parole, et elle riait et elle pleurait tout à la fois. Pendant ce temps, Salabert et Martineau avaient rejoint Cabarrox, Maxou, Octave, Kerlusset et Lavernet. L'ex-clerc, malgré ses graves fonctions d'inspecteur général des établissements fondés par Flavia, n'avait pas complètement dépouillé le vieil homme, et parfois l'ancien basochien se révélait par quelques saillies jetées au milieu des entretiens les plus sérieux. Il n'en était pas de même de Martineau. Le reporter, quelque peu débraillé d'autrefois, avait fait peau neuve. Avec sa cravate d'une blancheur immaculée, son habit noir, ses gants de même couleur et son attitude empesée, on l'aurait volontiers pris pour un notaire en exercice. 10 minutes venaient de s'écouler quand la porte du salon s'ouvrit pour la cinquième fois et André, toujours solennel, annonça « Monsieur le marquis de Kerdal, Monsieur le duc et Madame la duchesse de Clodion, Monsieur Pedro Diaz, » Maître Maxou et Flavia, à l'annonce de ces noms, tournèrent vivement la tête et leurs regards se dirigèrent avec curiosité vers les quatre personnages qui venaient d'entrer et dont Cabarrox leur avait souvent parlé. Cependant, Cabarrox était allé recevoir les nouveaux venus qui, pensant le trouver seul, s'étaient arrêtés un instant, comme surpris de le voir en si nombreuse compagnie. Le célèbre praticien les aborda en souriant. « Monsieur le marquis, » dit-il au vieux gentilhomme, « lorsque hier au soir vous avez bien voulu accepter mon invitation à dîner, vous pensiez, ainsi que monsieur le duc et madame la duchesse de Clodion, vous trouver en tête à tête avec moi. C'est une petite trahison de ma part, de ne vous avoir pas détrompé, je le confesse, mais j'ai l'espoir que vous ne me garderez pas rancune, car vous êtes ici presque en pays de connaissance. Permettez-moi maintenant de vous présenter mes invités. Monsieur le vicomte et madame la vicomtesse de Kerlusset, Monsieur le baron et madame la baronne de Livernay, » continua-t-il en désignant les personnages qu'il nommait au marquis de Kerdal et au duc et à la duchesse de Clodion. « Monsieur de Kerlusset, » dit le vieux gentilhomme, « un nom célèbre, c'est vous, monsieur le vicomte, qui avez construit en Pennsylvanie des canaux pour le transport des huiles de pétrole du lac que vous exploitiez. Une idée de génie qui a fait la fortune de votre compagnie. » « Grâce à madame, » répondit modestement Kerlusset en se tournant vers Flavia. Monsieur le duc et madame la duchesse de Vallombreuse, » poursuivit Cabarrox en présentant Octave et Irène. Ceux-ci rendirent au marquis le salut gracieux qu'il leur adressa. Maître Maxou, qui pourrait devenir conseiller d'État, député, voire même sénateur, et qui préfère rester avocat, et sa charmante femme, qu'on avait surnommée autrefois vers son mariage Miss Million, et qui consacre son immense fortune à faire le bien, interrompit le marquis de Kerdal en tendant galamment sa main à Flavia. Ah oui, madame, je vous connais depuis longtemps, quoique ce soit la première fois que j'ai l'honneur de me rencontrer avec vous. Ce dont je remercie ce brave docteur, continua-t-il, et je suis heureux de pouvoir vous dire de vive voix ce que j'ai pensé souvent de vous lorsque le bruit de vos bienfaits arrivait dans mon vieux manoir de Kerdal. C'est beau, c'est magnifique d'employer votre fortune comme vous le faites. Madame, dit la duchesse de Clodion en s'avançant vers Flavia et en lui tendant également la main, « je n'ajouterai rien aux paroles de mon cher oncle, car elles traduisent fidèlement mon admiration pour vous. »« Et la mienne, » repartit Jean de Clodion en s'inclinant respectueusement devant Flavia. « Messieurs, » reprit maître Maxou en s'adressant à Martineau et à Salabert, et vous, ma bonne madame Renaud, il y aurait ingratitude de ma part à ne pas vous renvoyer à vous, mes infatigables collaborateurs, la plus grande part de ces éloges, car ce n'est que justice. Salabert et Martineau rayonnèrent. L'excellente madame Renaud suffoquait de joie et d'orgueil. Pendant cet échange de paroles, Pedro Diaz se tenait discrètement à l'écart, derrière le duc et la duchesse de Clodion. « Approchez, mon brave Diaz, lui dit le docteur Cavarox, une présentation reste à faire à ceux de mes invités que vous ne connaissez pas, et cette présentation, c'est la vôtre. » Il raconta en termes émus le dévouement sans bord du Texien pour la famille de Clodion, mais toutefois en laissant dans l'ombre tous les faits qui se rattachaient à Don José. « La race de serviteurs comme vous, dit-il au Texien en terminant, est éteinte aujourd'hui. » « Aussi, n'est-ce pas un serviteur, c'est un ami, » répliqua le duc de Clodion en servant à plusieurs reprises les mains de Pedro Diaz. « Eh bien, mon cher docteur, » reprit le marquis de Kerdal, « parlons un peu de vous. Faites-vous toujours des miracles ?»« Des miracles, non, mais les guérisons le plus qu'il m'est possible, » répondit le célèbre praticien. « Dans ces derniers temps, j'ai eu à traiter un jeune homme de grande famille qui m'a donné pas mal de fil à retordre, pour employer une expression vulgaire, mais qui rend parfaitement ma pensée. » L'an passé, j'avais rencontré à Venise, où j'étais appelé près d'une vieille dame, frappée d'aliénation mentale, par suite d'un riche héritage inattendu qu'elle venait de faire. Le pauvre garçon dont je vous ai parlé avait été subitement atteint de folie, d'une folie d'autant plus grave que son caractère n'avait rien de violent, car vous saurez que les folies que nous autres médecins nous appelons les folies mélancoliques sont les plus tenaces. À Venise, un jeune homme de grande famille, il y a de ça un an, dit le vicomte de Kerlusset. Voudriez-vous parler, cher docteur, de ce pauvre Édouard de Marambal ? Précisément. Mais le connaîtriez-vous ? Demanda le docteur Cavarox. Nous avons fait nos classes ensemble, répondit Kerlusset. Moi aussi, je l'ai beaucoup connu, répliqua Martineau. Un charmant garçon, ma foi, dont voici le signalement. Taille moyenne, yeux bleus, cheveux noirs, 30 000 francs de rente, peintre, musicien, un cerveau merveilleusement organisé, quoi. S'il en est ainsi, repartit le célèbre praticien, vous renouvellerez connaissance avec lui tout à l'heure, car il dîne avec nous. Alors il est complètement guéri, dirent Lavernet, maître Maxou, Martineau, Salabert et le marquis de Kerdal. Complètement. Je l'ai ramené de Venise et installé dans ma maison de santé de Passy. Il doit venir ce soir me faire ses adieux, car demain il part en voyage. Mais d'où lui est venue sa folie ? Demanda Martineau. Ah ! Voilà ce que j'ignore, cher ami. À toutes les questions que je lui adressais à ce sujet, il m'a répondu par le silence, et c'est même ce qui a retardé sa guérison, par cette raison bien simple que lorsque le médecin ignore la cause d'une affection, il ne peut marcher qu'en tâtonnant, et c'est ce qui m'est arrivé dans le cas dont il s'agit. « Et où va-t-il ? » demanda le vicomte de Kerlusset. « Je ne m'en doute nullement, » répondit Cavarox, « mais je compte qu'il me l'apprendra ce soir, et selon ce qu'il me dira, je verrai si je puis le laisser partir. » Car s'il retournait à Venise, Cavarox n'eut pas le temps d'achever sa phrase. La porte du salon s'ouvrit. « Monsieur de Marambal !» annonça André qui se retira ensuite. La réception faite au nouvel arrivant fut des plus chaleureuses. Monsieur de Kerlusset et Martineau l'accueillirent avec force poignée de main, puis ils s'entretinrent du passé, de ce ton qu'on maudit lorsqu'on est sur les bancs du collège et qu'on regarde plus tard presque toujours. Cette causerie tout amicale continua encore lorsque le domestique vint annoncer que le dîner était servi. On passa dans la salle à manger. Les médecins, c'est un fait notoire, sont généralement très gourmets, et sous ce rapport, le docteur Cavarox ne le cédait en rien à ses honorables confrères. C'est dire que le dîner était excellent, les vins vieux, tous de qualité supérieure, et que les convives y firent honneur. Les dames, après le café, entrèrent au salon, et les hommes restèrent dans la salle à manger devant d'excellentes Londres, puis l'on s'entretint des mille choses de la vie parisienne tout en fumant. « Mon cher ancien copain, » dit tout à coup Martineau à M. de Marambal, « notre ami Cavarox nous a appris qu'il vous avait tiré d'un pas assez grave, qu'il eût été beaucoup moins s'il avait connu la cause de l'affection dont vous étiez atteint. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai dans l'idée que je connais cette cause. » Édouard de Marambal tressaillit en s'entendant ainsi interpeller à brûle-pourpoint. Toutefois, il se remit bientôt. « Mon cher Martineau, je ne mets nullement en doute votre sens de divination, mais vous me permettrez. »« Là, j'en étais certain, » interrompit l'ancien reporter, j'ai deviné du premier coup. La cause de votre maladie passagère était l'amour, ce tyran des hommes. L'amour ou tout autre chose, répliqua M. de Maranval. Mais il en est des blessures morales comme de celles du corps. Une fois qu'ils sont fermés, il est prudent de ne les point rouvrir. Bon, objecta l'obstiné Martineau, lorsqu'elles sont guéries les unes ou les autres et bien guéries, aucune rechute n'est possible. Et les pénibles souvenirs qu'on réveille, ne les comptez-vous pour rien ? Repartit Maranval. Ah, mon cher ex-client, riposta Cavarox, ce que vous venez de dire là relève tout droit du domaine scientifique et je vous répondrai que jamais, pendant l'exercice de ma profession, je n'ai vu que des souvenirs, si douloureux qu'ils soient, puissent faire renaître un mal qui n'existe plus. C'est le contraire que j'ai souvent observé, et je vous affirme qu'il m'est arrivé plus d'une fois de venir à bout en peu de temps d'une affection morale jugée incurable en enfonçant un fer rouge dans la plaie. C'est vous dire que si vous aviez été plus expansif avec moi, je vous aurais guéri depuis 3 mois. Mon cher docteur, reprit Édouard de Maranval, oui, je le reconnais. Je vous ai fait mystère de la cause de ma maladie, mais cette cause est si cruelle, si terrible, que jamais je ne me suis senti le courage de vous l'apprendre. Nous autres médecins, ne sommes-nous pas comme les confesseurs ? Répliqua Cavarox. Dans notre métier, comme eux dans leur ministère, nous entendons tant de choses si étranges que nous sommes bronzés. Allons, docteur, fit M. de Maranval, avec un sourire rempli de tristesse, si c'est une conspiration contre mon silence, je préfère le savoir. Et je m'exécuterai sans plus résister davantage. À la bonne heure, dit Martineau, et je maintiens de plus belle que je ne me suis pas trompé dans mes suppositions de tout à l'heure. Les cigares furent éteints, et chacun se rapprocha curieusement d'Édouard de Maranval, qui prit la parole. Ainsi s'achève Les Compagnons de l'Arche, deuxième série des Nuits Terribles par Alphonse Brault.